Chapitre deuxième. La salle où venait d'entrer Fondmort était celle où se tenait d'ordinaire l'officier de service auprès de la reine pendant la nuit. Quelques banquets de velours en formaient tout l'ameublement. De grands candélabres de bronze doré étaient chargés de bougies qui projetaient de tous côtés une vive lumière, et à côté d'une vaste cheminée de marbre, armoriée de fleurs de lys, était assise cette mystérieuse mauresse dont l'origine et la condition avaient excité si vivement la curiosité de Chavigny. Dès que Fondmort l'aperçut, il s'avança vers elle avec empressement et galanterie. « Mademoiselle, » dit-il à voix basse, « merci, merci mille fois d'être venue. Ne vous dois-je pas une récompense pour votre courageux dévouement d'aujourd'hui » répondit-on avec un sourire. Puis la mauresse ajouta, en montrant la porte du fond, « Nous pouvons causer, Fondmort. La reine ne recevra personne ce soir. Elle est souffrante et elle a renvoyé toutes ses femmes. » « Eh bien, Maria, » reprit le jeune officier avec une familiarité douce qui n'excluait pas le respect, « votre auguste maîtresse, c'est elle. Je lui ai conté le danger que j'ai couru il y a 2 heures. Et vous avez sans doute profité de cette occasion pour lui parler de nos projets ?» reprit Fondmort en s'animant. « Sans doute, Maria, vous lui avez dit que ce jeune homme, qui a eu le bonheur de vous arracher au péril, éprouvait un autre sentiment qu'un sentiment ordinaire d'humanité lorsqu'il s'était lancé à votre secours. Vous lui avez dit, Maria, que depuis longtemps je vous aime et que mon plus grand bonheur serait d'obtenir votre main. Je ne lui ai pas fait cet aveu, Fondmort. Le courage m'a manqué. Toujours des retards, Maria, toujours des hésitations et des craintes. Ingrat !» répondit la mauresse avec un accent de reproche. Puis elle reprit, après un instant de silence, « La destinée qui pèse sur moi est si cruellement bizarre, Charles, que je ne puis exprimer mes désirs, mes projets, mes espérances à ma noble bienfaitrice, sans faire couler ses larmes. Elle me parle vaguement de danger, de séparation éternelle, quand j'ose lui faire soupçonner que je pourrais aimer. « Maria !» demanda Fondmort en attachant sur la mauresse un regard scrutateur. « La reine connaît le secret de votre vie. Ne vous en a-t-elle jamais rien révélé ?»« Rien, Charles, rien, je vous l'ai dit. J'ignore aussi bien que tout le monde ce que je suis ou ce que je puis être. Élevé en Espagne, où l'on m'a dit que j'étais né, j'ai été amené ici tout enfant par Molina. Rien ne m'a étonné moi-même, comme les soins et les honneurs dont tant de hauts personnages m'ont environné, et toute la cour à leur exemple. « Maria, » dit Fondmort en se penchant vers elle, « il est temps que vous souleviez le voile épais qui couvre votre naissance. » Fondmort, que me demandez-vous? Ne sentirez-vous donc jamais un généreux orgueil se soulever dans votre cœur? Maria, Maria, savez-vous à quelles conditions illustres, à quelle magnifique existence, peut-être, vous avez renoncé par votre insouciance et votre faiblesse? » La mauresse porta vivement la main à son front. « Charles, s'écria-t-elle, n'éveillez pas les rêves ambitieux qui par moments viennent brûler ma tête. Charles, je suis heureuse et calme maintenant. Pourquoi irais-je affronter une nouvelle destinée que je ne connais pas, que l'on me dit terrible? Et qui sait si on ne vous a pas trompé? » s'écria impétueusement Fondmort. « Maria, la vie des grands est pleine de sombres menées, d'iniquités inconnues. Et si vous étiez la victime de quelqu'un de ces lâches intrigues? Si l'ignorance dans laquelle on vous tient sur vous-même n'avait d'autre motif que la crainte de vous voir revendiquer des droits ou tenter une vengeance? Si ces dangers dont on vous menace n'était qu'une ruse pour voler un nom retentissant, un nom glorieux. Assez, Fondmort, assez. Quel soupçon venez-vous jeter dans ma pensée? Oh, si cela était, je montrerais, Fondmort, que je ne manque ni de force, ni de courage, je vous le jure. Bien, Maria, dit l'officier avec enthousiasme, une âme comme la vôtre doit préférer un malheur certain au doute, à l'irrésolution. Et d'ailleurs, vous n'êtes plus seul pour lutter, je suis là, près de vous, moi. Le moment est venu, vous dis-je. Fondmort, je saurai le mot de cette énigme. Quand? Demain. Ce soir même. Non, n'exigez pas. Laissez-moi apaiser un peu le trouble que vous avez excité dans mon cœur. Ce soir, Maria, à l'instant même, il le faut. La reine est seule, entrez, jetez-vous à ses pieds, dites-lui tout, notre amour, nos projets de mariage, demandez l'explication du mystère qui vous environne, demandez sans crainte et avec fermeté, car croyez-le bien, ou la reine a pour vous une affection profonde, ou elle est coupable envers vous. Dans les deux cas, elle vous pardonnera. De parler haut d'ailleurs, comme elle est faible, elle cédera. Et s'il refusait, Maria, de faire droit à vos justes demandes, alors ce serait la guerre entre elle et nous. Car si je me dévouais à votre fortune, Maria, si je prenais votre défense à mes risques et périls, vous ne m'abandonneriez pas, Maria, n'est-ce pas? Vous ne déserteriez pas vous-même lâchement votre cause. Fontmort, dit l'amoureuse de sa voix majestueuse, celui qui se dévouera pour moi n'aura jamais trouvé plus grande et plus entière reconnaissance. Souvenez-vous de vos paroles, Maria, reprit Fontmort d'une voix solennelle. Dieu les a entendues, et moi je m'en souviendrai quand j'aurai vécu 100 ans. L'amoureuse ne répondit que par un sourire et s'enfuit par la porte du fond. Enfin, dit Fontmort, avec une indicible félicité, en se laissant tomber sur un siège. La nuit était déjà avancée, et le calme commençait à régner dans tout le château. Le jeune militaire, son front soucieux appuyé sur ses deux mains, restait absorbé dans ses réflexions quand tout à coup il s'arrêta. Des cris, des gémissements sourds paraissaient sortir de l'appartement de la reine. Il colla son oreille contre la lourde porte sculptée, retenant son souffle, comprimant les battements de son cœur. Des paroles arrivaient jusqu'à lui, mais indistinctes et étouffées, semblables à un bourdonnement lointain. Ses traits, naturellement pâles, devinrent plus pâles encore. D'une main tremblante d'émotion, il ouvrit la porte. L'antichambre des dames était déserte. Sans doute Molina, qui devait veiller, était chez sa maîtresse. Fontmort avait cru reconnaître sa voix parmi les voix qui arrivaient jusqu'à lui au milieu du silence. Il passa sans que le bruit de ses pas éveillât l'écho de marbre de cette salle sonore. Une nouvelle porte se présenta à lui. Il l'ouvrit encore. Il se trouvait dans la chambre même de Marie-Thérèse. Quelques bougies, du haut de leur candélabre d'or, jetaient une lueur douce sur les meubles magnifiques. Des tapis précieux étouffaient le bruit des pas. Fontmort se glissa, presque en rampant, dans ce lieu sacré. À droite était l'oratoire, d'où sortaient ses cris et ses gémissements. Il se coucha sur le seuil, immobile, sans haleine, attendant cette parole suprême qui allait peut-être faire sa fortune. Jugé de sa rage, on parlait espagnol. Tout à coup, un mot fut prononcé en français, un seul, et Fontmort se releva d'un bond. Frémissant d'émotion, l'œil étincelant, il regarda autour de lui, jaloux de connaître seul cet étrange mystère, inquiet déjà qu'un autre pût le partager avec lui. Ce secret, que l'on avait caché si soigneusement au monde, avait été résumé en un seul mot, prononcé à voix basse au milieu du silence de la nuit, et l'oreille d'un courtisan s'était trouvée là, dans l'ombre, pour le recueillir. Il regagna vivement l'antichambre, et à peine était-il retombé, épuisé d'émotion sur son siège, qu'une dame d'un âge mûr entra sur ses pas. Fontmort salua respectueusement la reine. Marie-Thérèse s'assit, comme s'il était impossible de se soutenir, et fit signe au jeune militaire d'approcher. Il obéit, et il put voir des traces de larmes sur les joues de la princesse espagnole. « Vous êtes le chevalier de Fontmort ?» demanda-t-elle d'une voix émue en lui jetant un regard qui l'enveloppa tout entier. Le jeune homme répondit par une nouvelle salutation. La reine garda un moment le silence, comme s'il réfléchissait au moyen d'aborder un sujet délicat. « Vous avez aujourd'hui rendu un grand service à Maria, ma fille d'honneur, » reprit-elle enfin. « C'était un devoir, madame. Et vous l'aimez, m'a-t-on dit. « Puisque vous savez mon secret, madame, » dit l'officier en mettant un genou en terre, « me permettrez-vous de demander à votre bonté de combler tous mes vœux en m'accordant la main de cette jeune fille ?»« Relevez-vous, monsieur, » reprit la reine avec sévérité. « On a dû vous dire déjà que cette union était impossible. » Puis elle reprit, comme si elle se repentait déjà de sa sévérité. « Vous l'aimez donc bien, cette pauvre Maria ?»« Si je l'aime !» s'écria Fontmort avec chaleur. « Plus que moi-même, plus que la vie !» Marie-Thérèse sembla éprouver une bienveillance involontaire pour une passion qui paraissait si franche et si vraie. « Et pourtant il faut renoncer à cet amour, monsieur. »« Écoutez, » reprit-elle avec une espèce de laisser-aller qui contrastait avec ses manières d'abord si imposantes. « Je veux bien vous dire que cet enfant, pour qui j'ai une affection sincère, m'a été confié sous la condition qu'elle ne se marierait jamais. Si votre imprudente passion, que je crois malheureusement partagée, vient à déranger ses projets, on m'enlèvera ma protégée malgré mes prières, et on la jettera dans un cloître où je ne la verrai plus. Monsieur, c'est à mon tour d'implorer votre générosité. qui pourrait causer volontairement les maux d'une si bonne et si indulgente maîtresse ? » dit Fontmort avec une pitié respectueuse. « Maria est aussi la pupille du roi, » reprit Marie-Thérèse d'un ton significatif. « Et le roi, » ajouta-t-elle, en baissant la voix, « a des prisons et des bastilles qui arrêtent les soupirs trop ardents et les regards trop amoureux. » « Le roi peut-il aussi empêcher la pensée de se reporter toujours vers celle qu'on aime ?» La reine renonça à la menace. « Chevalier, » dit-elle d'un ton suppliant, « n'est-il donc pas à la cour d'autres femmes aussi belles que Maria, et qui sont plus riches et plus enviées ? Voyez, jeune homme, combien je serais disposé à faire pour conserver cet enfant. Choisissez parmi les dames qui dépendent de moi, et quelle que soit celle que vous me nommerez, je vous donne ma parole de reine qu'elle vous sera accordée. » Si l'on fait cas de mes ordres. » Fontmort ne répondit rien. Si vous êtes ambitieux, écoutez encore. Vous n'êtes que chevalier, vous serez comte. Vous êtes capitaine de mes gendarmes, vous aurez un régiment. Il hésita. Cette brillante fortune, ses honneurs, ses richesses, tout ce qu'il avait rêvé, on le lui offrait en ce moment. On lui mettait tout sous la main. Il n'avait qu'à prendre. Ce n'était pas assez. Votre bonté m'accable, madame, dit-il en baissant les yeux. « Mais si je puis commander à mes actions et à mes paroles, puis-je commander à mon cœur ?»« Ah, il s'aime trop !» éclata la reine avec désespoir et en fondant en larmes. Bientôt elle se leva avec dignité. « Oubliez ce que vous avez vu et entendu dans cette cruelle nuit, monsieur. Surtout que cet amour reste enseveli dans votre cœur. Un mot peut nous coûter cher à tous, et à vous le premier, à vous surtout. Vous attendrez mes ordres pour reparaître ici. » Fontmort voulut la reconduire jusqu'à la porte, mais elle fit un signe impérieux qui le cloua à sa place, et elle rentra en chancelant dans l'intérieur de l'appartement. Il était seul depuis quelques instants, quand un bruit léger attira de nouveau son attention. On venait de glisser un billet sous la porte. Il s'en empara et lut avec avidité. « Il y a quelque chose de plus sacré qu'une promesse, c'est un serment. J'ai juré de ne jamais dévoiler à aucune créature vivante le secret que je viens d'apprendre. « Qu'importe, » se dit Fontmort à lui-même, « à l'œuvre, j'en sais assez. »